الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Continue l'explication de Sittat al-Mawadi' min al-Sirah, six enseignements tirés de la Sirah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on va finir aujourd'hui. On en est au quatrième enseignement. Al-Mawadi' al-Rabi'u. قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين وتسفيهه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبر على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول، لم يصل مسلما. Le quatrième enseignement, il est sur la personne de Abu Talib. C'est très important pour comprendre l'islam. Ici, le but de ces enseignements de la Sira, c'est de comprendre l'islam, de comprendre son inverse qui est le shirk, de comprendre la réalité de l'islam. Abu Talib, c'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment il nous le décrit le Cheikh Mohammed, rahimahullah, lorsqu'il dit l'histoire d'Abi Talib, celui qui la comprend d'une bonne compréhension, qui médite le fait qu'il est reconnu, l'iqrar, c'est la reconnaissance par la langue, le tawhid. Il a reconnu le tawhid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même incité les gens à rentrer dans le tawhid. C'est-à-dire, il a incité son peuple en leur disant, que la religion de Mohammed, comme c'est venu dans certains de ses poèmes, وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ. Il dit, j'ai su que la religion de Mohammed, son neveu, était l'une des meilleures religions de l'humanité. Non? Il a incité les gens à rentrer dans ce dîn. Il a même dit que les mouchriquins n'avaient pas de raison d'adorer d'autres qu'Allah. Il aimait les gens qui rentraient dans l'islam et qui délaissaient le shirk. Tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié sa vie, son argent, et même ses enfants et sa tribu pour porter secours au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il soit mort. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Vous connaissez la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'il était sous la protection d'Abu Talib. Et que c'est Abu Talib qui était un notable de Quraysh qui l'a protégé, entre autres, de la persécution. Lui, pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le muslimin, qui était peu nombreux à l'époque, et Mustad'afin, qui était en état de faiblesse. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Talib? Il les a protégés, il les a mis sous la protection de son clan. Et il a patienté dans cette difficulté, il a patienté face à cette difficulté. Et il a fait face à l'inimité de son peuple, Et malgré tout cela, il n'est pas rentré dans l'islam. Et la raison pour laquelle il n'est pas rentré dans l'islam, c'est qu'il ne s'est pas désavoué du dîn de son peuple. Et à cause de cela, il n'est pas rentré musulman. C'était quoi son excuse? Il nous dit le Cheikh Mohammed, مع أنه لم يعتذر عن ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد الطالب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. C'était quoi son excuse? Il disait, il s'excusait pour le fait de ne pas rentrer dans l'islam en disant quoi? Car il a une insulte envers son père, Abdel Muttalib. C'était quoi l'insulte envers son père? C'est que c'était un mouchrik. Rentrer dans la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça signifiait se désavouer de son père. Il n'a pas pu accepter cela, c'était trop dur pour lui, et ça a fait qu'il sera éternellement parmi les gens de l'enfer. Le but, la chose qu'il a fait qu'il n'est pas rentré dans l'islam, c'était ni le fait qu'il détestait l'islam, encore moins qu'il était convaincu du shirk dans son cœur, quoi que ce soit. Tout ça, il l'avait. Il avait toutes ces conditions-là. La seule condition, il n'a pas voulu se désavouer, d'Abdel Muttalib. On va voir le dalil de tout ça. Et quand il est mort, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé pardon pour lui. Il a pensé qu'il pouvait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait une erreur. Ça peut arriver même à un mouahidine. Il pense peut-être que tel mouchrik n'est pas vraiment mouchrik ou quoi que ce soit. Et Allah, il a fait descendre le verset qui signifie, c'est le verset 113 de Surat al-Tawba. Et on a déjà cité et commenté dans les règles qui sont liées à l'iman ou le kufr, à la foi, à la mécréance. Lorsqu'il dit, il n'appartient pas au prophète et à ceux qui ont cru de demander pardon pour les mouchrikines, même s'ils sont des proches parents. Abu Talib, c'est le Bukhari, rahimahullah, et Muslim, qui rapportent dans leur sahih l'épisode de sa mort. Et l'épisode de sa mort, il est cité par le Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le livre du Tawhid, au chapitre Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas ce que tu aimes. Donc, quoi la guider? C'est dans la main d'Allah seul. Al-hidayatu bi yadillahi wahda. Il la cite comme ceci. An ibn Musayyib, an abihi qal, لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Il rapporte Al-Bukhari Muslim, rahimahullah, d'Ibn Musayyib, de son père, qu'il dit, lorsque la mort est venue à Abu Talib, c'est-à-dire lorsque Abu Talib était sur son lit de mort, il était sur son lit de mort. Ça ne veut pas dire que ça y est, il était au moins mourir. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on appelle al-ghar-ghara, le moment où la mort est là, ça y est, il n'y a plus de repentir. C'est fini. Hein? Le tawba, il n'est plus accepté. Non, c'était avant. Il était dans la maladie de sa mort. Ça y est. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu auprès de lui. Mais auprès de lui, il y avait aussi Abdullah ibn Abi Umayya ou Abu Jahl, parmi les notables et les tawarid des mushrikin. Hein? Al-mala. Il dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah. C'est une parole auquel j'argumenterai pour toi auprès d'Allah. Avec laquelle, par laquelle, j'argumenterai pour toi auprès d'Allah. Faqala lahu, les tawarit, près de lui, les shayatin, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, atarhabu an millati Abd al-Muttalib. Tu vas te détourner de la religion d'Abd al-Muttalib. Tu vas laisser la religion de ton père. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit, il lui a redit la même parole, dis la ilaha illallah. Ça veut dire quoi? Il dit, اكفر بالطواغيت. Ne crois pas au tawagit. وحد الله. Unifie Allah. تبرأ من المشركين. Désavoue-toi des mushrikin. Non? وأنهم في النار. Voyez? فأعادا. Eux, ils ont redit la même chose. Tu vas te détourner de la religion de Abdul Muttalib. فكان آخر ما قال وعلى ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. Et parmi ses dernières paroles, il a dit qu'il était sur la religion d'Abd al-Muttalib. Il a refusé de dire la ilaha illallah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit alors, je demanderai pardon à Allah pour toi s'il ne me l'interdit pas. فأنزل الله عز وجل يا الله في ديسمبر بخسي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Il n'appartient pas au prophète et à ceux qui ont cru de demander pardon à Allah pour les mushrikin, même s'ils sont des proches parents. C'est quoi la fine chose qui l'a empêché de dire la ilaha illallah et de rentrer dans l'islam? Ne pas se désavouer de la religion de son père. Non. Dans ce hadith, il a plusieurs enseignements. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Qul la ilaha illallah »« Dis la ilaha illallah » Le petit-fils du Cheikh, Cheikh Sulaiman ibn Abdillah, dans son explication du kitab al-Tawhid, il dit « Ay qul hadhihi al-kalima, arifa li ma'naha, mu'taqidan lah, fi hadhihi al-hal, wa illam ta'mal bihi, iz la yumkinu 'inda al-maut illa dhalik, wa la budda ma'a dhalika min shahadati anna Muhammad al-Rasulullah » Ça veut dire quoi? Dis cette parole « La ilaha illallah » tout en connaissant son sens, l'ilm. Comme condition de la ilaha illallah. Mu'taqidan lima fi lahu fi hadhihi al-hal, mu'taqidan la fi hadhihi al-hal wa lam ta'mal bihi. Et là, il te faudra la croyance. Et dans ce seul cas, on ne demande pas l'amal. Pourquoi on ne demande pas l'acte? Parce qu'il est en train de mourir. Il faut, il n'aura pas le temps de faire la salat. C'est pour ça que c'est une choua de murji'a, comme quoi ils disent, alors celui qui dit la ilaha illallah il rentre au paradis, même s'il ne fait aucun acte, on dit oui, s'il le dit au moment de la mort. S'il est kafir et que peu avant sa mort il dit la ilaha illallah, dans ce cas-là, non. Mais s'il dit la ilaha illallah et qu'il reste un temps pour qu'il fasse une salat, hein, ou qu'il ne se désavoue pas du shirk, ou qu'il dit la ilaha illallah tout en continuant à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à prendre pour jugement de tarot, etc., etc., etc., la ilaha illallah, il ne lui profitera en rien. قال ترغب عن ملة عبد المطلب. Il lui disait, vas-tu te détourner de la religion d'Abd al-Muttalib? Il a dit le Cheikh Sulaiman, ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على الرسل وهي تقليد الآباء والكبراء. Il dit ceci, c'est la preuve maudite qu'utilisent les mushrikins, tous les mushrikins, et même rajouté, et même Ahl al-Bid'a. Al-Mushrikin Ahl al-Bid'a. Comme quoi, ils ont cette preuve maudite. C'est quoi cette preuve maudite qu'ils utilisent et avec laquelle ils s'opposent aux messagers? Le taqlid, le suivi aveugle de leur père et de leur grand, de leur savant, ou de leur tarit, ou de leur gouverneur, ou là. Hein? Et sinon dit, est-ce que tu vas te détourner de la région d'Abd al-Muttalib? Aujourd'hui, ils font peur à Al-Muwahhid. Est-ce que tu vas faire takfir sur tes parents? Exemple. Est-ce que tu respectes pas les savants, quoi? Un tel, c'est un grand savant, toi tu dis le contraire de ce qu'il dit, oh là là, okay. Ou les gouverneurs, tu fais ta crise sur les gouverneurs, ou là, ceux-là, là, ils adorent les tombes, mais ils sont dans l'islam depuis plus longtemps que toi, comment tu peux les cafards, quoi que ça? Toujours pareil. Tel alim, il a dit ça, tel alim, il a autorisé le shirk, tel alim, il a autorisé de rentrer dans les parlements, le maslaha, etc., etc. Monsieur Mohammed Ibn Abdouhab, rahmallahu ta'ala, il dit dans l'explication, dans les notes de Kitab al-Tawhid, فوائد على فين دي شابيتر دي وفيه تفسير لا اله الا الله dans cette histoire là il y a une explication de la ilaha illallah. Comme quoi la ilaha illallah c'est se désavouer de la religion des pères s'ils sont dans le shirk akbar bien sûr. Non, بخلاف ما عليه اكثر من يدعي العلم. Et la plupart des gens qui prétendent la science ne savent même pas le sens de la ilaha illallah. Ils ne savent même pas le sens de la ilaha illallah. Le khilaf avec les gens aujourd'hui, on les met sur les choses secondaires, mais en réalité, il est essentiel. Le khilaf avec les gens aujourd'hui, il est sur la ilaha illallah. Et ensuite, il dit une parole qui répète dans Kashf al-Shubuhat. Il dit, فَقَبَّحَ اللَّهُ مَنْ أَبُو جَهْلَ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ. Abu Jahl, il a compris que s'il disait la ilaha illallah, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire renier la religion d'Abd al-Muttalib. C'est pour ça qu'il lui a dit, quand il a entendu la ilaha, il a dit à Tarabu Amilat Abd al-Muttalib. Ça veut dire quoi? Abu Jahl, il avait bien compris Haqiqatu la ilaha illallah. Alors qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Mohammed? Il dit qu'Allah en les dit celui qui connaît moins le sens, la base de l'islam qu'Abu Jahl. Et aujourd'hui, Ashab al-Ama'im, الأئمة والعلماء بزعمهم والدعاء وأصحاب التلفاز اللي جان كي باصا لا تيلي وكو كو سوا فالله أبو جهل يكوني ميو حقيقة الإسلام كله يكوني ميو لا إله إلا الله عدو الله يكوني ميو لا إله إلا الله كسي علماء لا تبا لهم. وقال الشيخ محمد كذلك في فوائد كتاب التوحيد وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. يجي لي trois enseignements dans cette histoire. Le Cheikh Mohammed رحمه الله immédite le Coran et la Sunna, il sort les enseignements de manière résumée, cette manière-là. Il y a trois enseignements ici, il y en a plus, mais ici ces trois-là en fin de chapitre sur Suleiman. La fin de l'explication de ce hadith dit quoi? Il y a trois enseignements à tirer. Le premier, il y a une réponse à ceux qui prétendent qu'Abd al-Muttalib est un musulman. C'est ce qu'ils prétendent à Ahl al-Bid'a, certains chiites entre eux. Comme les de la famille du prophète, ils ne peuvent pas accepter qu'il soit mushrik. Certains soufis, certains chiites ne peuvent pas accepter que Abu Talib soit mushrik. Ils ne peuvent pas accepter que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient mushrikine et soit en enfer, comme il nous a informé lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont forgé un hadith comme quoi Allah il les avait fait revivre, rentrer dans l'islam et qu'il les avait fait revivre. Alors que dans Sahih Muslim, Le professeur nous a informé, il a dit alors, Inna abi wa abaka fi an-nar. Certes, mon père et ton père sont en enfer. Premier enseignement. Deuxième enseignement, Madaratu ashab su' ala al-insan. Le mal d'avoir des compagnons mauvais, d'avoir des amis mauvais. Pourquoi? C'était ses amis, c'était les gens qui fréquentaient l'âme. Au moment de la mort, plutôt que de le conseiller, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont précipité la tête la première en enfer. Et la troisième, Madaratu. تعظيم الأسلاف والأكابر. Le fait que c'est une mauvaise chose de dépasser la limite ou de respecter outre mesure ses ancêtres. Surtout si ses ancêtres sont des mouchikins ou des égarés. Quand tu lui dis, na'am, ça c'est une bid'a. Ouais, mais mon père il fait ça. Mouchidik, ton père c'est qui? C'est l'alim al-Rabbani? C'est pas l'alim al-Rabbani. Ou ton grand-père, ou ton oncle, ou l'imam de ta mosquée, ou l'alim, ou celui qui a fait que tu t'es converti à l'islam. C'est pas une dèle, ça, dans la religion. Combien de fois je l'ai entendu, moi, dans ma vie, ya la tifia, maintenant. Combien de fois la personne, tu lui dis, sunna, bid'a, il te dit, mon grand-père, il fait comme ça. Ma mère, elle fait comme ça. Les Marocains, ils font comme ça. Les Turcs, ils font comme ça. Les Chinois, ils font comme ça. Ça, là, là. Ça, là, en fait. Ensuite, non. Nakhtimu, le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma pour appuyer sur Abu Talib. Muslim rapporte dans son Sahih, le numéro 212, comme quoi, an Ibn Abbas, an Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال, أهون أهل النار عذابا أبو طالب, وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه, نسأل الله العافية والسلام. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui sera le moins châtié dans le feu de l'enfer, c'est Abu Talib. Ouais. Il aura deux chaussures de feu qui lui feront bouillir son cerveau. Ça, c'est le moins de gens de l'enfer. Le monde d'Allah qui nous faisait de l'enfer. Ce hadith, comment ça va? Je vous ai dit dans Sahih Muslim. Et ensuite, il tire un enseignement de cette histoire de Cheikh Mohammed Abouhab. C'était Mawadi' dans 6 enseignements de la Sirah. Il dit, والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة والأحساء يحب الدين ويحب المسلمين ظن أكثر الناس أنه مع المسلمين. Il y a l'exemple de cela qui explique cela, c'est que si on connaît un homme par exemple qui fait partie des gens de Basra, c'est une ville en Irak, parce que à l'époque de sa da'wa, le Cheikh Mohammed Abou Wahab, une fois qu'il a conquis la péninsule arabe, il avait des ennemis. Ses ennemis étaient où? C'était les savants, les mouchriquins de Basra, en Irak, et les savants de l'Ahsa. C'est pour ça qu'il cite ces deux régions. Il dit, si on trouve un homme à Basra, ou à l'Ahsa, qui est l'Est de l'Arabie, il dit quoi? Qui aime le din, et qui aime les muslimines. La plupart des gens, ils vont penser que c'est un, qu'il est avec un muslimin, qu'il est un muslim. Ma annahu lam yansur din, biyadin wa la mal. Alors que celui-là, il n'aura pas secouru le din, ni par sa main, ni par son argent. ولا له من الأعذار مثل أبي طالب. Et il n'a même pas l'excuse qu'avait Abu Talib. Abu Talib, il avait des excuses. Ça ne l'a pas excusé, ça ne l'a pas empêché d'aller en enfer, mais il avait des excuses. Ça va? فمن فهم قصة أبي طالب. Celui qui comprend l'histoire d'Abu Talib, وفهم الواقع من أكثر ما يدعي الدين. Il comprend l'état actuel des gens qui prétendent au bien. تبين الهدى من الضلال وعرف سوء الافهام والله المستعان. Il connaîtra quoi? Il connaîtra la guidée de l'égarement. Et il connaîtra la mauvaise compréhension qu'ont la plupart des gens. والله المستعان. Et c'est à Allah que nous demandons le secours. Là, ça suffit pas. Une personne, il aime bien le muslimin. Il dit, ouais, c'est vrai, le muslimin, tout ça. La charia, c'est pas mal. Mais il veut pas se désavouer de tawahid. Il aime bien le tawhid. Il dit, ouais, non, c'est vrai le tawhid, tout ça, le mouahidine et tout, ils disent des choses vraies, machallah et tout. Et il ne veut pas se désavouer de la démocratie. Bonjour de la reine, bonjour. C'est présent ça, ça existe ou ça n'existe pas? Bien sûr que ça existe. Ça existe. Cette personne-là, il n'est pas encore rentré dans l'islam. On va dire, c'est un stade. Sans qu'il aime bien le tawhid, il dit, ouais, moi j'aime bien le tawhid, j'aime bien ce qu'il raconte, cela ou quoi que ce soit. Aïe. Mais tu t'es pas désavoué du shirk et des mouchriquins, c'est pas désavoué de la démocratie, c'est pas désavoué de laboratoire de temps. C'est pas des avoués même des juifs et des chrétiens, ou des laïcs, ou des gens samedis. Allah Musta'an, il n'est pas encore entré dans l'islam. Il n'a pas encore le Coran de Tawud. Il n'a pas encore l'imam de l'islam. الموضع الخامس الموضع الخامس قصة الهجرة le cinquième enseignement l'histoire de l'hijra ce qui s'est passé en fait quand il parle de l'histoire de l'hijra on va le voir il parle de ce qui s'est passé à Badr qu'est-ce qu'il dit رحمه الله وفيها من الفوائد والعبر ما لا أعرفه أكثر من قرأها il y a dans cet enseignement dans l'histoire de l'hijra des enseignements et des leçons que la plupart des gens, même parmi ceux qui le lisent, ne connaissent pas. Et moi, je vais en citer une que le cheikh, sur le cheikh, il va parler d'autre chose. Déjà, la plupart des gens, ils parlent de l'hijra, ils parlent du prophète, ça, c'est le prophète, il a fait l'hijra. Et on dirait qu'ils pensent que ça, c'est fini, quoi. C'est une histoire que tu lis dans un livre, c'est une belle histoire que tu lis dans un livre, c'est un peu comme avec le Coran, ça. Ils lisent le Coran. Et pense que c'est un livre, c'est beau, c'est vrai, c'est beau, quand tu lis le Coran, en plus tu le lis avec une belle voix et tout, puis ça s'arrête là, quoi. En fait, tu continues ta vie, ça y est. Et le hijra, quand tu lis le hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien, tout ça, ils ont sacrifié pour le din, le sahaba, radiyallahu anhum, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais ça y est, c'est bon, c'est fini. Alors que l'enseignement de le hijra, c'est quoi? C'est un enseignement, il y a tajaddadu, kulli yawm, on va dire. Il se renouvelle, chaque jour, il se renouvelle. L'hijra, l'histoire qui s'est passée à l'époque du prophète, la bataille de l'Ahzab, Toutes les tribus avec les juifs, avec les munafiqins, se sont rassemblés autour de Médine. Et ils ont encerclé le Médine. Wa balaghat al-qulub al-hanajir. Et tellement que les gens, leur cœur, il a failli monter à leur poitrine, de peur. Tous, ils se sont rassemblés contre cette petite ville de Médine. Ça vous rappelle pas des événements proches? Ce qui se passe en ce moment, là? On est le 15 janvier 2014. Hein? Allah al-Hijra, c'est pareil. Les enseignements de l'Hijra, qui va tirer le Cheikh, quels sont-ils? Il dit: Walakin muradun al-an mas'alatun min masa'ilha. Ce qui nous intéresse ici, c'est une question parmi les questions de l'Hijra. Mahi? Wahiya anna min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il y a parmi les compagnons de messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam certains qui n'ont pas fait le hijra sans avoir un seul doute sur le din. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le hijra, mais ils n'ont pas douté du din. Ils avaient plein de certitudes du din, on est d'accord? Après, il dit quoi? Ils n'ont jamais embelli ou fait l'éloge de la religion des mushrikins. On ne montrait pas qu'ils n'ont jamais fait. Ils ne font pas l'éloge de la démocratie. Celui qui fait l'éloge de la démocratie, khalas, il n'est plus avec nous, mais il est avec les musulmans. Walakin mahabbatul ahli wal mali wal watan. Mais c'est quoi qui les a empêchés? Le fait d'aimer leur famille, leur bien et leur patrie. Le droit où ils sont nés. Falamma kharaju ila badrin, kharaju ma'al mushrikina karihin. Mais quand il y a eu la bataille de Badr, les mushrikins, ils les ont forcés à sortir avec eux contre le prophète. Là, ils ont participé à la bataille. Ils sont sortis avec eux dans la bataille de Badr. فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ بِالرَّمِي وَالرَّمِي لَا يَعْرِفُ. Certains ont été tués par des flèches. Alors que celui qui tirait les flèches ne savait pas qu'il visait un tel ou un tel. Il a visé quoi? L'armée des mushrikins. يقول فلما سمع الصحابة من القتلى فلان وفلان شق عليهم. قال compagnons ils ont entendu que parmi les morts il y avait un tel et un tel, cela a été dur pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient considérés comme quoi? Comme musulmans. وقالوا قتلنا إخواننا. Ils ont dit à son Allah, nous avons tué nos frères. فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا Et Allah, il a fait descendre les versets 97 à 99 de Sourate An-Nisa, Ayat al-Hijra. Il a dit Allah, ce qui signifie, j'ai cité le verset en arabe maintenant, je le dis, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges, en leur vendant leurs âmes en disant, où en étiez-vous? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. À l'exception des impuissants hommes, femmes et enfants incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, c'est-à-dire aucun chemin. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا لأنه لم يبلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين ولو باعهم شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا فإن الله قد بين لهم ما هم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذن celui qui médite leur histoire et qui médite la parole des compagnons, nous avons tué nos frères. Il comprend quoi? Il comprend que ces gens-là, les Sahaba, qui étaient à Médina, et qui avaient tué ceux qui n'avaient pas fait le Hijra, par erreur, ils ont compris que ces gens-là, ils ne leur étaient jamais parvenus qu'ils avaient apostasié. De quelle manière? En disant du mal du din. Ça, c'est la première forme d'apostasie. Ou en disant du bien de la religion des mouchriquines. Deuxième forme d'apostasie. D'accord? Car ils savaient, même à Mecca, avant le Hijra, que tout cela c'était de la mécréance. Par le verset qui était déjà descendu, le verset de la contrainte. On l'a vu à la fin de l'entrée de l'islam, le verset de la contrainte, il est descendu à Mecca. Il est descendu au début de la révélation, il est descendu sur Ammar ibn Yasser, à l'époque de la persécution. Ça veut dire que, ici, ce verset signifie quoi? Que la personne qui dit de la mécréance, c'est un mécréant. Sauf celui qui est sous la contrainte. Il l'amène au kriha wa qalbuhum mutma'innun bil iman. Deux conditions. Qu'il soit sous la contrainte et que son cœur soit plein de la sérénité de la foi. S'il n'a pas une de ces deux choses, s'il n'a pas ces deux choses, il y a que faux. D'accord? Ça, c'est la croyance de l'Ahl-Sunna, comme l'a dit Nehemia, on nous dit les salafs, à l'opposé de Djinn. D'accord? Donc ça, ils savaient ça. Donc ils savaient que c'était autre chose qui les avait précipités en enfer. Le fait de délaisser les gens, et par la conséquence de cela, c'est quoi? Le fait de sortir avec les mouchriquins. D'accord? Il dit le sir Mohammed, وَأَبْلَغَ مِنْ هَذَا مَا تَقَدَّ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ فِيهِمْ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ فِيمَا كُنْتُمْ وَلَمْ يَقُولُوا كَيْفَ تَصْدِيقُكُمْ. La preuve que la mécréance ici, elle n'est pas dans le cœur, la mécréance de cela, elle n'est pas dans le cœur, mais elle est dans les actes, c'est que les anges, pardon, ils leur ont dit, فِيمَا كُنْتُمْ, où en étiez-vous? Ils leur ont pas dit, comment c'est dans votre cœur là? Vous reconnaissez encore que le dit c'est vrai ou pas? Non. Il a dit quoi? Fima kuntum. Fi ayi safin kuntum. Vous étiez de quel côté? Il le dit le cheikh. Il dit quoi? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Il dit nous étions en état, les gens ils répondront, nous étions mustad'afin, nous étions en état de faiblesse sur la terre. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Walam yaqulu kadzabtum. Et les anges ils leur ont pas dit, vous avez menti. Ils n'ont pas dit, vous n'avez pas la foi dans le cœur. Et l'exemple de cela, un tabibou, parce que si c'est un peu, il fait référence à un hadith sans le citer, il dit quoi, la preuve de cela, c'est quoi? مِثْلَ مَا يَقُولُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ لِلْمُجَاهِدِ الَّذِي يَقُولُ جَهَدْتُ فِي سَبِيلِكَ حَتَّى قُتِلْ فَيَقُولُ اللَّهُ كَذَبْتُ. Vous connaissez ce hadith? Que les premiers gens, أول من تُصَعَّرْ بِهِمُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, les premiers gens qui sont envoyés dans l'enfer le jour de la résurrection. C'est trois personnes. نَصَرَ اللَّهُ الْعَافِيَة. مجاهد وعالم ومتصدق. Un mujahid, sallallahu alayhi wa sallam. Un savant, sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui fait beaucoup de sadaqa, sallallahu alayhi wa sallam. C'est les trois premiers qui iront au paradis. Avant les tawarit, avant Fir'aun, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Lorsque Allah dira au mujahid, le mujahid dira à Allah, j'ai combattu dans ton sentier jusqu'à ce que j'ai été tué. Carrément, il est plus qu'un mujahid, il est shahid. Qu'est-ce que lui disent Allah et les anges? Kazabt. Tu as menti. ولكن قتلت ليقال وتقول الملائكة كذبت بل قتلت ليقال جريء. Et tu as combattu pour qu'on dise que tu étais, pour que les gens disent que tu étais courageux. Ici, le problème, il est dans le cœur, c'est l'ikhlas. وكذلك قولوا للعالم المتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم تصدقت ليقال جواد. العالم يدرى قرأت كتاب الله وعلمته جل من الله جل أنسني de gens les anges Allah lui diront كذبت tu as menti ولكن ليقال عالم mais pour qu'on te dise que tu étais un savant. Ensuite la personne qui a fait la sadaqa dira j'ai fait sadaqa pour aider les gens pour ta satisfaction, etc., etc., pour ta satisfaction, et wajhika ya Allah, il dira kadabtu lakin yuqal jawad. Il dira tu as menti, tu as fait sadaqa pour qu'on dise que tu étais généreux. Oui. Les trois points, ça va à l'ikhlas. L'ikhlas ou aziz. Pourquoi ici ce hadith, il dit quoi après? Amma ha'ula falam yukadzibuhum. C'est juste. Amma ha'ula falam yukadzibuhum. Quant à ceux-là qui n'ont pas fait les hijras, Allah il ne les a pas démentis. Il a accepté, il a dit que c'était vrai, ils étaient mustadhafin. Bal ajabahum biqawlihim alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Il leur a répondu par sa parole, ce qui signifie la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous fassiez l'hijra? Il n'arrivait pas à pratiquer son dîn, il avait peur que les mouchriquins le sortent pour combattre avec eux, il fallait faire l'hijra. يزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها il y a plus de clarification pour celui qui a la science comme pour l'ignorant le verset qui vient après وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا il dit sauf les impuissants c'est-à-dire les faibles hommes, femmes, enfants incapables de se débrouiller qui ne trouvent aucune voie. Cela, ils seront excusés vraiment. Et il dit le shir, فَهَذَا أَوْضَحُ أَوْضَحُ وَاضِحٍ جِدَّا أَنَّهَا أَوْلَا خَرَجُوا مِنَ الْوَعِيدَ فَلَمْ يَبْقَى شُبْهَا لَكِنْ لِمَنْ طَلَبَ الْعِلْمِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَطْلُبُ. Il dit, et ça devient clair qu'ils n'ont pas de, qu'ils ceux-là ne sont plus sous la menace d'Allah, les faibles. Et il ne reste plus d'ambiguïté, mais ça, c'est pour celui qui a cherché la science. À l'opposé de celui qui ne la cherche pas. قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Est-ce qu'ils sont? Ils sont aveugles, sourds. Aveugles, sourds et muets, ou sourds, muets, aveugles, et ils ne retourneront pas vers Allah. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وذلك أن الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Celui qui a compris ce passage comprendra la parole de Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri dit une parole qui est très connue, on va essayer de la traduire de manière correcte. La foi, ce n'est pas al-tahalli, le fait de s'embellir, c'est-à-dire extérieurement. Voilà bitamanni. Al-tamanni, c'est, comment dire, des vaines attentes. D'accord? Voilà kimma waqara fil quloub wa sadaqatu al-a'mal. Il a défini la foi de manière juste au niveau d'Ahl Sunnah. C'est ce qui a été établi dans le cœur. Et qui a été rendu véridique par les membres. C'est-à-dire que la foi asluhu fil qalb wa yadhhara ala al-jawarih. Chez Ahl Sunnah wa al-jama'a rahimahullah ahfadhum, c'est quoi? C'est la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur d'abord et qui ensuite qui est rendu véridique par les actes. Et c'est l'expression ou la réalisation de la parole d'Ahl Sunnah, comme quoi la foi, ça c'est cœur, parole et acte. Et cette histoire-là, comme d'autres, beaucoup de preuves de la charia, comme les preuves sur la salat, etc., etc., ça montre toutes ces choses. El Hassan, il disait aussi, comme l'a rapporté Al-Ajurri fi al-Sharia, raqm 64 wa 200, il disait, Al-Iman qawlun wa amal, wa la qawla illa al-Iman qawl, wa la qawlu illa bil-amal, wa la qawlu wa la amal illa bi-niyya, وَلَا قَوْلُ وَعَمَلْ وَنِيَّ إِلَّا بِسُنَّةِ. Il disait le Hassan al-Basri, la foi c'est une parole, c'est-à-dire c'est une parole du cœur. D'accord? C'est reconnaître par le cœur. et une parole de la langue aussi. Voyez. Et ensuite, il disait, il n'y a pas de parole sans amal. Voilà, qawla illa bil amal. Il n'y a pas de parole sans acte. C'est-à-dire, tout cela, c'est pas valable que s'il y a l'acte. On est d'accord? Voilà, qawla wa la amal illa biniya. Il n'y a pas de parole ni d'acte, si ce n'est avec l'intention. C'est-à-dire, il faut que tout ça, ça soit purement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ensuite, il disait, voilà, qawla wa amal wa niya illa bis sunnah. Il n'y a pas de parole, ni d'acte, ni d'intention, si ce n'est avec la sunna, c'est-à-dire qu'en plus il faut que tout cela soit conforme à la sharia d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon tout ça c'est bâton, c'est rapporté par l'ajour. Al-Mawdi'u al-Sadis, le sixième enseignement, on arrive à la fin mais il est assez long. Qissatu al-Riddati ba'da mawtihi sallallahu alayhi wa sallam. فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهي قولهم هذا هو الشرك ولكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء سبحان الله. Pardon, j'ai oublié les paroles sur avant d'attaquer le sixième enseignement, excusez-moi, j'ai oublié les paroles des ulama, je n'ai pas regardé mes notes, sur celui qui délaisse le hijra. Celui qui délaisse le hijra. Qala ibn Hazm. Rahimahullah. Ibn Hazm, il a dit, il y a plusieurs sortes de gens qui délaissent le hijra. Dans le Muhalla. Il dit, rahimahullah, c'est une parole riche d'enseignement. On va la citer. Il dit, قال أبو محمد بن حزم فصح بهذا أن من لحق بدار الحرب وبدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من المسلم تصل إلى بعض sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam apporté par Abu Daoud, an Jabir, قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم مسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. Ce qui signifie je me désavoue de tout musulman qui vit au milieu des musulmans. Apporté par Abu Daoud, c'est sahih. Mohammed dit, on l'a déjà cité, Ibn Hazm dit, il est établi par cela que celui qui rejoint la terre de mécréance et de guerre, de plein gré, en faisant la guerre aux musulmans, il est par cet acte-là un murtad, un apostat, sur lequel toutes les règles du murtad sont appliquées. Il est une obligation de le tuer si on en a la capacité. Son argent est permis. Son mariage est annulé. Et autre chose que cela. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se désavoue pas d'un musulman. C'est-à-dire que ce hadith pour lui, ça signifie al-kufr. Ça signifie al-kufr. La yabra' un musulman. Ensuite, il cite une deuxième sorte. Ça, c'est la première sorte. On a déjà cité dans les annulations de l'islam. Là, c'est la huitième annulation de l'islam. On a déjà cité cette parole-là. Il dit ensuite, « Amman farra ila ardil harbi li dhum min khafah, wa lam yuharib al muslimin, wa la a'anahum alayhim, wa lam yajid fil muslimin man yujiruhu fahada la shay'a alayh, li annahum muttar mukrah. » Il dit, quant à celui qui s'enfuit, il parle de son époque, vers la terre de guerre, car il a peur d'une injustice. Et il n'a pas fait la guerre aux musulmans. Et il n'a pas aidé les koufars contre les musulmans. Et il ne trouve pas parmi les musulmans quelqu'un qui puisse le protéger, à toutes ces conditions. Celui-là, il n'a pas de péché, car il est muttar, en état de nécessité, mukra, sous la contrainte. D'accord? C'est-à-dire, il donne l'exemple de Zuhri après, un savant des salafs, comme quoi, le calife suivant, il avait dit, dès que je prends le pouvoir, je tue Zohri, qui était un savant. D'accord? Et il a dit, si jamais ce calife, il prend le pouvoir, je fuirai dans la terre de Rome. D'accord? Sinon, il va se faire assassiner. Ensuite, il dit, وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين ولكن لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور. Il dit, quant à celui qui vit dans la terre de l'Inde ou du Sindh, c'est-à-dire passer aussi une région de l'Inde, actuellement du Pakistan, en Chine ou dans le pays des Turcs, ou dans le pays des Noirs, littéralement, l'Afrique noire, non musulmane, ou à Rome, dans le pays des Romains, c'est-à-dire le pays des Occidentaux, parmi les musulmans, car il ne peut pas en sortir à cause de la vieillesse, ou parce qu'il n'a pas d'argent, ou parce qu'il est trop faible physiquement, ou parce qu'il ne trouve pas de chemin, celui-là, il est excusé. C'est ce qui est venu dans le verset. Hein? Ensuite, il dit, فإن كان هناك محاربا للمسلمين معين للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. Ici, il reste ici dans cette terre-là, malgré qu'il ne peut pas sortir parce qu'il a une excuse. Il combat les musulmans et il aide les kuffar en faisant un travail pour eux, بخدمة, à cause d'un travail pour eux, أو كتابة, ou même en écrivant pour eux, فهو كافر, il est un mécréant. وإنما إساسا كي نوز انتيريس ici et ensuite il dit وإن كان إنما يقيم هنالك للدنيا يصيبها وهو كالذم لهم صلى الله عليه وهو كالذم لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر. Il dit quelque chose de très important, il dit quoi? Mais si il est celui qui reste dans le pays des kuffar à cause de la dunya, à cause de la dunya, et il est pour eux comme un dhimmi. Ça veut dire quoi un dhimmi? C'est les mécréants qui vivent dans l'état islamique et qui payent l'impôt de capitation et qui sont ensuite sous protection des mécréants. Ah, on y est en plein dedans. On voit qu'un dhimmi lahom, il leur paye les impôts, ah, il leur demande l'autorisation pour construire des mosquées, hein. Il leur confie à ses enfants pour qu'ils les éduquent sur le pauvre, etc. Wa huwa qadiru 'ala al-lihaq bi jama'at al-muslimin wa ardihim fama yab'ud 'an al-kufr. S'il fait tout cela alors qu'il a la capacité de rejoindre la masse des musulmans et leur terre, il n'est pas très loin de la mécréance. Fama yab'ud 'an al-kufr. Il n'est pas loin de la mécréance. C'est ce qu'il dit Abu Muhammad ibn Hazm. وما نرى له عذرا إن nous ne voyons pas pour lui d'excuses ونسأل الله العافية et nous demandons qu'il nous en préserve. Tout ça c'est dans le Muhalla, c'est dans le Muhalla المجلد الثاني عشر صفحة 25 و100 إلى 27 و100. C'est dans le Muhalla, le livre de fiqh d'Ibn Hazm, le volume 12 à page 125 à 127. طيب dans le même sens les paroles les fatwas des savants du Najd rahimahumullah. Sachant que, à leur époque, encore une fois, contrairement à ce que croient certains, ici, ils parlent pas de délaisser le hijra d'Occident ou de délaisser le hijra du pays des chrétiens, non. Les savants du Najd, ils ont fait le djihad contre les mouchriquines qui se prétendaient de cette communauté, contre les adorateurs de temples et les rawafid. Et quand ils appliquaient, ou quand ils faisaient que leur imam apprenait une terre, ils considéraient les autres terres comme étant des dar kufr. D'accord? Donc ils ordonnaient aux gens de faire l'hijra vers les terres qui étaient sur lesquelles les mouahidines avaient le pouvoir. C'est de ça qu'on parle. Et qu'est-ce qu'ils disent à propos de ce sujet-là? Ils ont de nombreuses fatwas sur le simple fait, sur même l'interdiction de voyager vers les terres des kuffar. Voyager simplement vers les terres des kuffar. continue, inshallah ta'ala. الموضع السادس le sixième point. قصة الردة بعد موته صلى الله عليه وسلم. فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهي قولهم هذا هو الشرك ولكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. Il dit quant à l'histoire de l'apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui écoute cette histoire et qu'il reste encore un atome de doute dans son cœur à propos de l'ambiguïté des shayatin. Il parle de l'ambiguïté des démons. C'est qui les démons? Et après il dit de l'ambiguïté des shayatin, des démons que l'on appelle ulama. Donc pour lui, le Cheikh Mohammed, il considère que beaucoup de ulama à son époque sont des shayatin. C'est exactement pareil à notre époque. Beaucoup de gens que les gens prétendent ulama, ce sont des shayatin, ce sont des démons. C'est quoi, c'est quoi la ressemblance entre ces ulama et shayatin? C'est que les shayatin, leur but, c'est d'envoyer les gens en enfer. Et ces ulama, quand ils autorisent ce qu'Allah a interdit ou inversement, qu'ils appellent les gens shirk, ils veulent précipiter les gens. Donc ce sont des shayatin. Et c'est quoi cette shubha? Les shayatin, les ulama, al-Aziriya, al-Jahmiya, etc., ils disent quoi? Ils disent, c'est leur parole, ils disent oui. Cette chose-là que font les gens, c'est du shirk. Ils reconnaissent que le shirk, c'est du shirk. Que telle chose, c'est du shirk. Mais ils disent la ilaha illallah. Les gens qui font du shirk, ils disent la ilaha illallah. Et celui qui dit la ilaha illallah ne peut pas devenir mécréant. Comment il l'appelle le shirk, ça? Shubhatu shayatin, l'ambiguïté des démons. Donc la personne qui dit aujourd'hui, c'est vrai, les gens ils font du shirk. Mais comme ils disent la ilaha illallah, on ne peut pas les sortir de l'islam, eh bien il est tombé dans l'ambiguïté de shayatin. Et s'il avait lu ne serait-ce que l'histoire de l'apostasie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait su que les gens que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et tous les sahaba ont combattu, tous disaient la ilaha illallah, sans aucune exception. Vous avez compris là. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام الشعرة. À l'époque du prophète, à l'époque du cheikh, de l'auteur, la divergence avec les savants de l'Ahsa, les savants du mal de l'Ahsa, comme Abdullah ibn Fayrouz, etc., etc., c'était sur la mécréance des bédouins. D'accord? Et il dit, ces ulama-là qui combattaient le Cheikh Mohammed Abraham, disant, qu'est-ce qu'ils accusaient? Ils accusaient de quoi le Cheikh Mohammed Abraham? Ils l'accusaient d'être un khariji, de faire partie de la secte des khawarij. Ça, c'est dans beaucoup de livres des gens de des savants de la da'wah. Dans de nombreux endroits, dans le Seigneur, ils répondent à cette ambiguïté. Comme quoi, ils sont des khawarij. À notre époque, les gens de la bid'a, les gens de la ridda, même, ils accusent les frères qui sont sur le tawhid d'être des khawarij. C'est une ridda en tant que tel, ils ont dit les ulama. Celui qui accuse d'être un khariji juste parce que tu pratiques le tawhid, juste parce que tu crois au tarout et que tu adores Allah, cette personne-là, il a en fait traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de khawarij, imbécile. D'accord? Donc il dit que ces savants, ils reconnaissent que les bédouins, ils n'ont pas un poil de l'islam. Ils n'ont même pas un poil de l'islam. Walakin yaquluna la ilaha illallah. Mais ils disent quand même, la ilaha illallah. وهم بهذا اللفظة إسلام. Et ils sont par cette parole-là, Islam. Ils sont dans l'islam. وحرم الإسلام ما لهم ودامهم. Et l'islam a interdit leur bien et leur sang. Mais إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله. Mais ils reconnaissent quand même qu'ils ont délaissé l'islam entièrement. ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به واستهزائهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. Et il cite la mécréance des bédouins à son époque et il dit, ils remettent en cause la résurrection. Ils disent, il n'y a pas de résurrection des morts. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de celui qui croit à la résurrection. Ou aussi, ils se moquent des législations de l'islam. Ou aussi, ils préfèrent la religion de leur père en opposition à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les causes de mécréance des bédouins à l'époque du Cheikh Mohammed. وما هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرضى الجهلة أن البدو إسلام، ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله أيضا، ولازم قولهم أن اليهود إسلام لأنهم يقولونها، وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة عن البوادي المتصفين بما ذكرناه. Il dit, le Cheikh Mohammed, et avec tout cela, tout ce qu'on vient de dire, ces démons, ces rebelles, ces ignorants, il parle des ulama, mashallah, il parle des ulama, il dit, shayatin al-marada al-jahala, ma'am, fi ulama fi asrina, hum shayatin, thumma jahala, thumma marada, thumma zanadika, wa hum kuffar bilashik. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent là? Que les bédouins, ils sont dans l'islam. Même s'ils font tout cela, car ils disent la ilaha illallah. Et l'implication de leurs paroles, c'est que les juifs aussi sont des musulmans. Car ils le disent aussi. Ils disent la ilaha illallah. Est-ce que les juifs ils disent la ilaha illallah? Bien sûr. Si tu demandes à un juif, est-ce qu'on a le droit d'adorer un autre qu'Allah, de sacrifier pour un autre qu'Allah, de prier un autre qu'Allah, et ils vont te répondre non, c'est du shirk. Et pour eux, c'est le plus grand péché. C'est la première interdiction des 10 commandements. Hein? Dans la Torah. Et c'est le pire des péchés pour eux. De prendre des images et de les adorer. D'adorer les morts. Tout ça, c'est dans la Torah. Falsifié. Et dit ainsi, et la mécréance de cela est plus grave que la mécréance des juifs. Et je parle en cela des bédouins. Qui font ce que nous avons dit. Les juifs, ils reconnaissent la résurrection des morts, oulala. Oui. Ceux-là, ils ne reconnaissaient même pas la résurrection des morts. Est-ce qu'on veut dire par là que les chiites qui adorent la famille de Ali sont plus mécréants que les juifs? Avec l'alliance qu'on a citée la dernière une fois? Non. C'est ça qu'on dit. C'est exactement ça qu'on dit. Et la preuve de cela, c'est quoi? C'est qu'on mange le sacrifice du juif et qu'on ne mange pas le sacrifice du roi. On mange pas le sacrifice du murtad. Ça veut dire quoi? Ariel Sharon, Ariel Sharon, la'anahullah, il est mort et pas longtemps, là. Alihi la'anatullah. Yasser Arafat, alihi la'anatullah. S'il sacrifie un animal, tu manges pas. Ariel Sharon, alihi la'anatullah. S'il sacrifie un animal, il a le droit de faire le droit de manger. Je pense que tu le dirais à certains muta'ammisin. Je crois qu'il te kaffar quand on est là. وهو الحق المرتد لا تؤكل ذبيحته اما اليهودي تؤكل ذبيحته المرتد الابوستات مش فا سون ساكريفيس alors que le juif tu manges un sacrifice. Yasser Arafat c'était un murtad? Non, c'était un murtad, c'était un ilmani, un laïc qui a dit à plusieurs reprises qu'il voulait pas entendre parler d'état islamique, il voulait établir sur la terre de Palestine un état arabe laïque et démocratique, et tous les Noëls il allait à l'église avec sa femme chrétien, participant à la religion de Mouchriki. Et en plus, il a vendu la Palestine aux Juifs. C'est pas négligeable aussi. Aux accords de Oslo, en 1991, si je me souviens bien, en faisant la paix avec Shimon Peres. Alayhi la'natullah. Je vois, quand cher. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم وراجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود الزور شاهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. سبحان الله. Dans ces quelques lignes, il y a beaucoup de messages. Comment essayer de résumer? Il dit, ce qui explique tout cela dans l'histoire de l'apostasie, c'est quoi? C'est que les gens qui ont apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont divisés dans leur apostasie. Ils ne sont pas apostasiés tous de la même manière. D'accord? Parmi eux, il y en a qui ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste après sa mort, et ils sont revenus à l'adoration des idoles. C'est-à-dire, dès qu'il est mort, ils ont dit, bon, ben, il est mort, l'islam c'est fini, on revient à l'adoration des idoles. Vous voyez? Et ils dirent quoi? Ils dirent, si c'était un prophète, ce serait pas mort. Donc il faut obéir. Et il y en a parmi eux qui sont restés fermes sur le shahadatayn. Ils continuent à dire, la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, mais ils ont reconnu, ou ils ont accepté la prophétie, la fausse prophétie de Moussa ibn Kadhdhab, le faux prophète qui est apparu du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait associé à la prophétie. Et qu'est-ce qu'il a fait Moussa ibn? Il a fait venir des faux témoins qui ont témoigné mensongèrement de cela. C'est-à-dire, il a fait venir des gens qui avaient rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu devant les gens et leur a dit, ces gens-là, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que il avait associé Moussa ibn à la prophétie. Vous imaginez la fitna? Est-ce que ça a été une excuse, ça peut être hadith daif, non? Maintenant, il y aurait des gens qui les excusent, je pense. Jahmiya, notre temps, qui les excuseraient, ces gens-là, s'ils ont appliqué la croix, ils ont appliqué la croix. Il dit, beaucoup de gens ont cru, c'est faux témoins. Voyez? Qu'est-ce qu'il dit, le Sir Muhammad, ensuite? Les ulama sont unanimes pour dire qu'ils sont des apostats, même s'ils ignorent cela. Donc, il y a un petit, là, il nous a cité un ijma' quand même, comme quoi il n'y avait pas de udhb al-jahl dans l'idda. J'espère que vous en êtes, bien attention. Il y a ijma' ici, ajma' al-ulama, kalimatun thaqila, qulna, an ijma' dalilun mustaqil. Il y a, les ulama sont unanimes pour dire qu'ils sont des apostats, wa law jahilu dhalik. Ajma' al-ulama, annahu, la udhb al-jahl fi al-ridda. Cet ijma' il a été cité par plusieurs ulama, par le Sana'an, etc. Il n'y a pas d'excuse de l'ignorance dans ces choses-là. Et ensuite, il nous a rajouté une autre chose. Alors là, Al-Jahmiya, ils ne peuvent pas lire simplement d'Al-Messia. Le Murji'a, Al-Jahmiya, les gens qui excusent les mouchriquines par la mauvaise éducation, qui disent que celui qui insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelques coups de bâton suffiront. Là, le Cheikh Mohammed, il nous cite deux, il nous dit, il y a Ijma', comme quoi ils deviennent des apostats, même s'ils sont ignorants. Wa man shakka fi riddatihim fahuwa kafir. Et celui qui doute de leur apostasie, c'est un kafir. C'est le troisième annulation d'islam, qui passe pas dans la gorge de Murji'a ou Jahmiya, ou amen, waqa'a fi shubuhatihim. Ceux qui sont tombés dans leur shubuhat. Ils acceptent pas ces choses-là. Comme quoi, celui qui rend pas mécréant, certains mécréants, il devient kafir. Et c'est le cas dans ce cas-là. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وراجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد ولو ثبت على الإسلام كله ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعوى النبوة ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون. Et ensuite, il cite des sortes d'apostasie. Il dit à ceux qui ont adoré les idoles et qui ont insulté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ceux qui ont dit La ilaha illa Muhammad rasulullah, mais ils ont accepté la prophétie de Moussa ibn. Et ils faisaient tout l'islam. Ils faisaient la salat, la zakat, etc., etc. Il y a ceux qui ont accepté la prophétie d'un autre qui s'appelle Tuleyha al-Asadi. Tuleyha al-Asadi. Et il y en a qui ont quoi? Qui ont accepté la fausse prophétie d'un qui s'appelait quoi? Al-Aswad al-Unsi, au Yémen, qui a prétendu la prophétie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela, les ulama sont unanimes pour dire qu'ils sont bons. L'essentiel, c'est quoi? C'est que ces gens-là, si ceux qui nous disent que celui qui dit la ilaha illallah, il ne peut pas sortir de l'islam, ben, en fait, ils ne rentrent pas en écrivant les mouchtadines après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la plupart d'entre eux disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et il y en a qui faisaient la salat. ومنهم انواع اخرى يعني d'autres sortes encore منهم الفجاءه السلمي الفجاءه السلامي لما وفد على ابي بكر وذكر له انه يريد قتال المرتدين ويطلب من ابي بكر ان يمده فاعطاه سلاحا ورواحل فاستعرض السلمي المسلم والكافر ياخذ اموالهم فجهز ابو بكر جيشا لقتاله فما احس بالجيش فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر فقال إن كنت صادقا فألق السلاح فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. Et il cite un exemple parmi les sorts de l'histoire de l'apostasie. Il dit, il y avait une personne qui s'appelait Al-Faja' al-Sulami. Il est venu à Abu Bakr, radiallahu anhu, et il lui a dit, je veux combattre les apostats. Abu Bakr lui a donné, et il lui a demandé de l'aide. Il lui a donné des armes et il lui a donné des montures. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Sulami? Il s'est servi de ça pour attaquer les gens. Il a attaqué, que ce soit les musulmans ou le kafir. Il les a attaqués, il les a tués, il a pris leur argent. D'accord? Abu Bakr, quand il a entendu cela, il a préparé une armée pour le combattre à lui. Quand il a entendu que l'armée arrivait, il est venu à l'émir qu'il avait envoyé Abu Bakr et lui a dit, tu es l'émir d'Abu Bakr et je suis aussi un émir nommé par Abu Bakr. Tu es un émir nommé par Abu Bakr et je suis aussi un émir nommé par Abu Bakr. As-Siddiq, on parle d'Abu Bakr As-Siddiq. Et dit, et je n'ai pas mécru. Il dit, l'autre lui a répondu, si tu es véridique, jette tes armes. Ils ont amené cette personne-là qui avait tué le musulman et Koufa à Abou Bakr. Abou Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a brûlé vif. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا ثم يفتي هؤلاء المرضة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. يدي الشيخ محمد يكونتينيو لا يباس plusieurs pages à quoi son combat à affirmer la mécréance des bédouins. A affirmé la méfiance de ces bédouins qui n'ont de l'islam que la ilaha illallah. Il dit quoi? Regarde ce que les sahaba ont fait à cette personne-là. Ils l'ont brûlé vif. Oui. Alors qu'il faisait les cinq piliers de l'islam. Lui faisait les cinq piliers. Il dit, qu'est-ce que tu penses qu'il ferait à une personne qui n'a de l'islam qu'une seule parole? C'est la ilaha illallah. Alors que cette parole-là, il l'a dit par sa langue. Et il dément le sens de la ilaha illallah. La personne qui dit la ilaha tout en faisant le shirk, le kadlibu ma'na la ilaha illallah. Il dément le sens de la ilaha illallah. Ou même qui ne fait pas la salat. Il dit quoi? Et ils disent clairement qu'ils se désavouent de la religion du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et du livre d'Allah. Et ils disent, ça c'est la religion des gens des villes. Ils disaient ça les bédouins. Ça c'est la religion des gens des villes. Nous, c'est, on suit la religion de nos pères. C'est ce qu'ils disent la plupart des gens à notre époque, oulala, pardon. Et ensuite, ces marada, ces rebelles, ces djuhal, ces ignorants, ils parlent des ulama toujours, ils font des fatwas comme quoi ces gens-là sont des musulmans, alors qu'ils reconnaissent eux-mêmes cela, juste parce qu'ils disent la ilaha illallah, qu'Allah soit glorifié, ceci est vraiment un mensonge évident. Un mensonge énorme. Vous voyez? Cette parole du Cheikh Mohammed, vous parlez très loin, elle s'applique à tous ceux qui parmi ulama sou wa shayatin al-ins, ces savants du mal, qui disent que les mouchriquins adorateurs de temps, c'est les musulmans. Qui disent que les gouverneurs tawarid, qui changent la loi d'Allah complètement, les Bouteflika, Mohammed Sadis, Malik Abdallah, si vous voulez, je les cite un par un, sont tous des murtaddin et ils disent que sont tous des musulmans, qu'il faut leur obéir. C'est shayatin. Alors que le Coran, le Sunna, l'Ijma, le Sahaba, ils montrent que ces gens-là sont des coupables de murtaddin. Pareil pour leurs armées, pour leurs parlementaires, pour leurs ministres, etc., etc. Pareil pour ceux qui délaissent la salat. Pareil pour les laïcs, les communistes, les démocrates, les gens des partis, comme ça. وهذا أحسن ما قاله واحد من وما أحسن سبحان الله وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار يعني هو وجميع البوادي وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر وصلى الله على نبينا محمد. Et là il raconte une histoire. Il dit qu'un jour un bédouin est venu au Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et lui a expliqué la réalité de l'islam. Quand il a entendu ça, le bédouin, il dit, Par Allah, je témoigne qu'on est des kuffars. C'est-à-dire lui-même, il a reconnu qu'il était un kafir. Il dit, il veut dire lui et tous les bédouins. Et je témoigne que le savant qui dit qu'on est des musulmans, c'est lui-même un kafir. Il a, dans sa clairvoyance, il a compris que l'islam authentique, non. Et beaucoup de gens à notre époque, quand tu lui expliquais l'islam, ils te disent, ah non, mais moi, en fait, j'étais dans le kuffar, en fait. J'étais un moultad avant, ou j'étais un mouchnik, ou j'étais un kafir assis, ou j'étais un. Non, ça rien. C'est vrai. وصلى الله على نبينا محمد. Sur la question des bédouins, pour vous montrer que cette question-là, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens, ils disent que Mohammed ibn Abdul Wahhab et ce livre que je tiens dans ma main droite, Ad-Dur al-Saniya fi al-Jawab al-Najdiya, c'est des livres d'extrémistes. Comme quoi, ces gens-là, c'était des gens qui avaient de l'extrémisme dans le tekfir. C'est dit par certaines personnes qui ont la stahmoum. Ils n'ont pas honte. Et ils disent ça, que dans Ad-Dur al-Saniya, celui qui le lit, il va avoir des tendances de roulou, fil tekfir, kabula kalimatan tachfouna fouahim, yakuluna illa kadida. Est-ce que le tekfir de l'arabe, des bédouins, c'est propre au Cheikh Mohammed Abou Wahhab, et est-ce que c'est propre au savant du Najd? Et non. Et la preuve, c'est ce que je vais vous lire maintenant pour finir ce dars, inshallah, c'est la parole de Shawkani. Shawkani, il n'est pas du Najd, il est du Yémen. Et il était qadi, il était le qadi de Sana'a, de la ville de Sana'a au Yémen. C'est un grand savant reconnu partout à notre époque. Il avait atteint le niveau de al-ijtihad. On ne remet pas en fait en cause qu'il a quelques petites erreurs de aqida au niveau des attributs d'Allah et d'autres choses. Mais il dit, il a une fatwa qui est dans un rassemblement de ses épîtres qui s'appelle al-Rasa'il al-Salafiyya fi Hiya Sunnati Khair al-Bariyya. Il y a une risala dans ce, il y a une risala dans ce majmoua qui s'appelle Irshad al-Sa'il ila Dala'il al-Masa'il. On lui demande. On lui pose une question et je vais lire la réponse. La réponse. Il dit, ma hukm al-A'rab sukkan al-Badiya, alladhina la yaf'aluna shay'in min al-Shar'iyyat, illa mujarrad al-Takallum bil-Shahada. Hal hum kuffar am la? Wa hal 'ala al-Muslimina ghazwuhum am la? On lui demande à Shawkani, on lui dit quel est le jugement des bédouins qui ne font rien des législations de l'islam si ce n'est la prononciation du témoignage de Shahada. Sont-ils des kuffars ou non? Et est-ce que les muslimines doivent les combattre, faire un razou, faire un djihad, faire un razou contre eux ou non? Fa'akul, il dit à Shawkani, fa'akul, rahimahullah, man kana tarikan li arkan l'islam wa jami'u fara'idi ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم وصيانة الأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام. دي celui qui délaisse les piliers de l'islam et toutes les obligations, qui refuse ce qu'il est obligatoire parmi les paroles et les actes, et qui n'a que le fait de prononcer les deux témoignages, il n'y a pas de doute que cette personne-là est un mécréant. D'une mécréance grave. Et que son sang est permis. Quant à la préservation des biens, elle n'est présente qu'avec l'accomplissement des piliers de l'islam. Falladhi yajibu ala man yujawiru hadha al-kafira min al-muslimin. في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأركان الإسلام بأحكام الإسلام والقيام بما يجب عليه القيام به على التمام ويبذل تعليمه ويلين له القول ويسهل عليه الأمر ويرغبه في الثواب ويخوفه من العقاب فإن قبل منه ورجع إليه عول عليه أكدها ويوصله إلى من هو أعلم منه بأحكام الإسلام وإن أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه أمره من المسلمين أن يقاتلوه حتى يعمل بأحكام الإسلام على التمام فإن لم يعمل فهو حلال الدم والمال حكمه حكم أهل الجاهلية. Il dit le Cheikh, celui qui est obligatoire pour une personne qui est proche de ce kafir, qui est par exemple habite près de lui ou qui voilà dans qui est proche de lui, c'est qu'il l'appelle à agir selon les règles de l'islam. Et à s'y tenir. Et qu'il l'enseigne. Et qu'il lui parle doucement, avec douceur. Qu'il lui facilite la chose. Qu'il l'incite à la récompense d'Allah. Qu'il lui fasse peur du châtiment d'Allah. S'il accepte cela et qu'il le fait, c'est bon. S'il n'a pas la capacité, qu'il le montre quelqu'un qui connaît plus que lui les règles de l'islam, c'est-à-dire pour lui expliquer. D'accord? Il dit quoi? Si ensuite, si par contre, ce kafir reste dans sa mécréance, il est une obligation pour les musulmans de le combattre jusqu'à ce qu'ils appliquent les lois de l'islam. S'il n'agit pas selon les lois de l'islam, son sang et ses biens sont permis et son jugement est le jugement des gens de la djihad. Donc on voit que Shaytan lui-même aussi, il fait le takfir de l'Bawadi et qu'il incite à les combattre s'ils ne veulent pas revenir à l'islam. Et tout ça vient d'une seule base, le Coran, la Sunna et Ijma'a. Allah il a dit d'abord à propos du mushrikine, on a expliqué le verset, فَإِن تَابُوا مِنَ الشِّرْكِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, qu'ils font la salat et qu'ils la zakat, ils sont vos frères en religion. Et dans le hadith, Al-Bukhari ou Muslim, Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. Et ensuite, Shawkani, il va plus loin. Il va plus loin dans Ar-Rasal Salafiyya. Il va plus loin, puisqu'il dit que, il dit, وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةُ بِالْبَارِحَةِ فَقَدْ أَبَانَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَوْلٍ وَفِعْلًا مَا نَعْتَمِدُهُ فِي قِتَالِ الْكَافِرِينَ وَالْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَدِيثُ النَّبَوِيَّةِ فِي هَذَا الشَّأْنُ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَلْ هَذَا الْأَمْرُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَهُ وأنزل لأجله كتبه والتطويل في شأنه والاشتغال بنقل برهانه من باب الإيضاح الواضح والتبيين البين فإذا صح الإصرار على الكفر فالدار دار حرب بلا شك ولا شبهة والأحكام الأحكام وقد اختلف المسلمون في غزو الكفار لأديائهم إلى ديارهم هل يشترط فيه الإمام الأعظم أم لا والحق الحقيق بالقبول أن ذلك واجب على كل فرد من أفراد المسلمين. Et il dit, rahimahullah, je cite pas toute la parole, mais il dit, s'il est établi qu'ils sont dans la mécréance, leur terre devient une terre de guerre. Subhanallah. Ce qui nous reproche à notre époque, ce qui reproche à Al-Tawhid à notre époque, qu'il le reproche aussi à Mohamed Abouhab, et qu'il le reproche en plus à l'imam Shalkani. Il dit que leur terre, si jamais ils font pas les pieds de l'islam, ils disent juste la ilaha illallah, leur terre, leur village, leur badia, tout ça, ça devient des terres de guerre. Et ensuite il dit, et les musulmans ont divergé sur le fait d'attaquer les koufars dans leur pays, est-ce qu'il est une condition qui est l'imam, le grand imam, c'est-à-dire est-ce qu'il est une condition qui est le calife, ou pas? Et il dit, et la vérité dans cet avis-là, c'est que c'est une obligation pour chaque personne parmi les personnes musulmanes. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية مطلقة غير مقيدة et les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont généraux et ils n'ont pas été conditionnés par cela. On voit qu'ici Al-Shawkani rahimahullah il appuie en plus à la page 52 de Rasal Salafiyya ce jugement-là en disant non seulement c'est des kuffars et leur jihad devient obligatoire. D'accord? والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.